J'ai fait partie le coupé haut. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est Niatao. On dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est Niatao. J'ai ma taille et coco, on frappe à ma porte. A ma grande surprise, oh, c'est la go, en tout je vois. Oh. Sans grâce, j'ai dit, oh, y a longtemps, c'est plus revu. Oh. Elle veut me mentir, oh, elle dit, chérie, j'avais voyagé. Oh. Je suis de retour, oh, tu t'appartiens. Oh. Prends-moi cadeau, fais oh, ce que tu veux. Oh. Mais on dit, premier gaou n'est pas gaou. Oh. J'ai dit chérie coco, qu'est-ce que tu veux manger oh? Sa même est si tôt, elle me dit les braisés oh. Quand on te dit premier caou n'est pas caou oh. Deuxième caou qui est nyata oh. J'ai dit chérie coco, qu'est-ce que tu veux manger oh? Tu es trop petit oh. Ça fait pas de la sensie oh. C'est quand il m'a braisé oh. Je vais te donner oh. Les genoux d'éléphant, oh, tu vas manger, oh, nangere, nangere, wa, nangere, nangere, wa. Elle est fâchée, elle vient s'en va à la maison, oh, elle vient pas la maison, population va me tuer, oh, je lui ai demandé pardon, eh, elle a accepté, oh, elle est pour m'attendre. Elle a tout gâté, oh. Elle est quittée dans le s'en va dans le loco. Et si c'est à loco, c'est pas compliqué, oh. La plantation de banano, tu vas crier, oh. Au lieu de couchette, oh, ça fait pas bien manquer, oh. C'est avec gâteau, tu vas manger, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Premier gaou n'est pas gaou, oh. Deuxième gaou qui est nyata, oh. Arcœur gaou, oh. Écoutez gaou, oh. Sorokyo gaou, oh. Abindoso gaou, oh. Angelo gaou, oh. Kokorino gaou, oh. Eta nyata, oh. Jefi nyata, oh. Kade nyata, oh. Kade kuma nyata, oh. Eta nyata, oh. Kaze Michel Kaouo, Emile Kaouo, Okonke Makaouo, Honoré Kaouo, j'ai dit qui dansa oh, regarde ta science oh, j'ai dit qui dansa oh, nangere nangere wa, oh, qui dansa oh, on dit premier gaou n'est pas gaou oh, c'est deuxième gaou qui est nyata oh. On dit premier gaou n'est pas gaou oh. C'est deuxième gaou qui est nyata oh. Ah.